and there's keeps rips. La miss mahala, miss mahala, tu hami, tu es dimazala, dimazala, tu es mi fahala. Je fais du rap, j'suis dans mon élément, merci infiniment. J'tourne avec House, Will et Philemon, j'suis un Alemon. Allongé devant la télé, j'suis un réseau avec Fak et Pelé. Quand il fallait, t'étais pas là, personne pour m'épauler. C'est chaud les mecs, sur la mec. Maintenant au check, ils font les Mac. J'ai mis le mic dans la brochure, j'ai investi un Mac. La vie c'est frais, j'ai mis un peu de gel et pas de lac. Si t'es le sang, dis-moi pourquoi j'mets pas de like. J'suis chez moi, j'mets les DP ou j'mets les Nike. Ce que tu dis, j'm'en bats les couilles, poto, j'suis naïf. J'ai des principes et changerai pas d'équipe, c'est maïf. J'serai d'or et platine pour la life. Madame veut son palace, en attendant qu'il me ralasse. J'fume le shit qui vient d'Azrenren, j'écoute du halas. Soupago ananas, chantite avec canas. Et si la police me recherche, me garde au Bahamas. J'prends mon Capri-Sun, on n'est pas tout seul. J'suis toujours dans la zone, j'ai plus de camisole. La miselle m'a fait signe, cousine. J'suis pas un mec facile, j'suis de la résine, j'suis dans la limousine. La zone en casse-caraille. Ils veulent de ma life. Trop de jalousie. Je suis au quartier sous salade. Merci de mon coco. Les ventes font de caraille. T'as pas la musique. La zone en casse-caraille. Tout au moto. Les voix ils veulent de ma life. Trop de jalousie. Je suis au quartier sous salade. Merci de mon coco. Les ventes font de caraille. Dingue, je parle tout seul, tout seul. Dans le bloc la nuit. Je rêve d'un transat sous le sun. Sous le sun, sous Jack Sui. Ça critique, ça fait des manières. Je tourne avec Gibbs à la manière. Sur le corner, je suis en balle main, serre-moi pas la main, 59 sur la bannière. Je vois le temps qui passe dans le sablier. Une tape, je suis dans l'espace, j'arbate de mon quartier. J'ai le bolide allemand, prends les virages à part. Y'en a qui font les khatar, madame, moi je te parle normalement. Ouais, ouais. Je prends mon Capri-Sun, on n'est pas tout seul. Je suis toujours dans la zone, j'ai plus de camisole. Ça m'a fait signe, cousine. J'suis pas un mec facile. J'fume la résine, résine. J'suis dans la limousine. La zone en casse-caraille. Ça tourne mon coco. Les voix ils veulent de ma life. Trop de jalousie. J'suis au quartier sous salade. Merci de mon coco. Les voix c'est fou de caraille. T'as pas la musique. La zone en casse-caraille. Ça tourne mon coco. Les voix ils veulent de ma life. Trop de jalousie. J'suis au quartier sous salade. Merci de mon coco. Les voix c'est fou de caraille. T'as pas la musique. J'écoute plus les on m'a dit les baratins. La mise elle veut son prince comme Aladdin. On a vu ta copine sortir du baladin. Tôt le matin, à Batin, j'ai le style Marseille comme Barada. J'accélère rue de Gand, là y'a aucun radar. J'allume mon pet, j'oublie tout bâtard. Quand Baby Boy il me récupère la gare. La zone en casse-caraille. Ça tourne mon coco. Les voix ils veulent de ma life. Trop de jalousie.